Le bulletin de sport local et régional de Danny Veilleux. Une présentation de votre magasin Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini. Pour vos différents achats estivaux, c'est Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini qu'il faut visiter. Que ce soit pour vos articles de sport, de piscine ou de barbecue, Canadian Tire offre une vaste gamme de prix qui répond à vos besoins. Surveillez de près la sortie de notre circulaire. Canadian Tire, 1751 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Tout notre personnel vous invite à magasiner en ligne au canadiantire.ca et vous souhaite une belle saison estivale. Votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone d'Annie Veilleux. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional d'abord en parlant du côté de hier dans la section entrevue de danoisesport.com. On a parlé avec Martin Demers car en fin de semaine, c'est le championnat québécois de vélo de montagne qui a lieu à Saint-Félicien. Et Martin Demers mentionne qu'il y aura une compétition quand même assez relevée. C'est quand même une des grosses courses du circuit de la Coupe du Québec. Fait que dans le fond, en fin de semaine, samedi le 6, on attend environ de 400 à 450 compétiteurs pour le parcours olympique. OK. Donc ça comprend quand même environ 4 départs. C'est 4 départs dans la journée. Ben, 5 départs dans la journée. En partant par les petites catégories, là, les atomes, les fiouis, les minimes, les sports, les experts, les élites. Fait que, disons que toute la journée, ça commence, ça fait quoi que le premier départ est à 8 heures. Et monsieur, heures, donc, OK. Dans un deuxième temps, Martin Demers parle que le centre de ski de Toboski, ben, a vu son parcours modifié cette année. Cette année, on a refait pas mal le parcours de cross-country. Okay. Okay. On avait eu une aide financière du gouvernement provincial pour faire une mise à jour du parcours. Fait qu'on a commencé à le faire, peut-être un tiers du parcours de rénover. Okay. Que, c'est vraiment dans les nouvelles tendances. Des parcours qui sont plus rapides, des grands montées, des sauts, un peu qui appellent à l'habilité là, des cyclistes. Là, OK. Donc, et dans un dernier temps, ben, Martin Demers parle des athlètes de Saint-Félicien qui pourraient être à surveiller au cours du week-end. Deuxième, des fois, c'est la Coupe du Québec. Parce que Zach devrait être un bon coureur de Saint-Félicien. On a comment, de Victor Véro. Évidemment, Victor ben oui. Devrait peut-être essayer de remporter la classe élite. On a des bons maîtres aussi. Là. Luc Ménard qui est capable d'aller maître expert à 50 ans et plus. Martin Germain. On a quand même pas mal de bons coureurs. Je pense qu'on devrait avoir un bon lot de médailles en fin de semaine. OK. Donc, évidemment, ça va avoir lieu à Toboski. Ça commence à... Il y avait du soccer dans les différentes ligues de soccer hier. D'abord, faites noter que la FC de Saint-Félicien a défait le Boreal d'Alma 3-1. Également, victoire de l'Union de Roberval 5-0. Sur le U14 de Saint-Ambroise. Et également, ben, faites à noter, hier, il y avait des matchs dans la Ligue de Ballante de Roberval. Saint-Hubert 11, Garma 10, Piazzato 10, Mégavac 8, et AEW a défait le Zodiac 8 à 7. J'invite à écouter la section entrevue de danadosport.com. Hier, je me suis entretenu avec Michel Lallemand, qui est le directeur général du club de golf de Chibougamau. On a également parlé hier avec Julie Arbour. Il y a une grosse compétition à Chibougamau en fin de semaine de natation en eau libre. Également, on a parlé avec Martin Demers de la compétition de vélo qui a lieu en fin de semaine. Et Luc Bordeaux-Jourdain vient nous parler des Alouettes de Montréal. Hier, c'est son dernier match en carrière. Sport local et régional, à danoisesport.com.